Arthur Rimbaud, le dormeur du Val. C'est un trou de verdure couchant une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons. D'argent où le soleil de la montagne fière, lui c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu. D'or, il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son hiver où la lumière pleut. Les pieds dans les veilles, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme, nature berce le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine. Tranquille, il a deux trous rouges au côté droit. Un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons. D'argent où le soleil de la montagne fière, lui c'est un petit val qui mousse de rayons. Soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine. Tranquille, il a deux trous rouges au côté droit. Il a deux trous rouges au côté droit, au côté droit. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons. D'argent, le soleil de la montagne fière, lui c'est un petit val qui mousse de rayons.